champion démoli d'un écrivain maudit. Des mots jetés, le maître, l'incontestable maître. Ma plume avait la force d'un cristal ou de roche, mais voilà qu'aujourd'hui c'est de la poussière d'or. À mon oisiveté, à mon oisiveté.